sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les coupes bohèmes. Et les vrais hauts de loup qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistrales gagnants. S'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants. Et les mistral gagnants. Twist My Sobriety, dans quelques instants, chanson accompagnée de quelques petits mots doux. Ce sera les Foreigners et Waiting for a Girl Like You. Écoutez plutôt ça. Samedi 26 mars, super cagnotte du loto de 80 millions de francs. Record de gains à battre depuis la création du loto. Alors, c'est sûrement pas le moment d'essayer votre deltaplane en boîte de camembert allégé du haut de la tour Eiffel. C'est sûrement pas. Le loto est un jeu de la Française des Jeux. En avril, quelle différence y a-t-il entre Biba et les autres magazines? Les autres proposent des régimes compliqués, qui à condition d'arriver à les suivre... Qui ose nous dire que les régimes ne marchent pas et pourquoi? Qui nous offre le premier mini-guide réaliste pour concilier diététique et vie de bureau? C'est Biba. C'est insurge parce qu'il n'y a que 6% de femmes à l'Assemblée. Est-ce le pouvoir qui n'aime pas les femmes ou les femmes qui sont allergiques au pouvoir? Biba en débat. Déboussolé après une rupture? Qui nous aide à assumer et à retrouver nos marques avec les hommes? Sans pathos, ni youplaboum. Biba bien sûr. Et il n'y a que Biba qui me parle comme ça. 700 millions de vélos, et moi, et moi, et moi. Je suis la toute nouvelle Clio, venez m'admirer chez Renault. On m'aime à la folie, de Shanghai à Paris. Si je te dis que tu peux essayer la nouvelle Clio en appelant au 36 68 45 45. Ah bah oui, ça change tout. C'est ça les jours qui changent tout, profites-en, c'est jusqu'au 31 mars. Prix de l'appel, 2 francs 19 la minute. Dans le réseau Renault. Oui, je suis pharmacien, mais je suis aussi une femme. Et c'est pour ça que les autres femmes se confient à moi. Un sujet important pour elles, c'est la minceur. Très peu le savent, mais leur corps fait de la rétention d'eau à certaines périodes. Ou alors ce sont plutôt les capitons qui s'installent. Et les rondeurs sont différentes. C'est pour ça que je leur parle d'Elancil. Pour la première fois, Elancil crée des soins anticellulites personnalisés. Priorité anti-eau ou priorité anti-capiton. Des réponses adaptées, c'est très efficace. Tout savoir sur la nouvelle minceur Elancil, c'est dans Prima d'Avril et chez votre pharmacien. Il y a des échantillons. Écoutez. Ils font la queue pour acheter leur place de concert. Ils n'ont pas écouté Europe 2. Eux. Europe 2 vous offre les plus beaux concerts. Restez bien sur 103.5 et à tout moment, empochez vos places pour les meilleurs concerts. Yann Folli, Véronique Sanson, Alain Souchon à l'Olympia, Phil Collins à Bercy. Pour vous toute l'année, le meilleur de la musique sonne comme ça. There's a murmur in the air, and I can hear it. There's a magic atmosphere. Yes. We'll be right back. J'irai par la mer, j'irai tranquille, cherchant tes yeux verts, verts, verts, verts, les filles dans mon cœur Marie, j'emporterai ta flamme. J'irai par les airs, j'irai tranquille, cherchant ton souffle doux, doux, doux, doux, fragile, légère face au vent, plus libre qu'avant. J'irai sans doute, cherchant l'étincelle qui en vous renaître à nouveau comme une goutte d'eau. Tranquille mais efficace. Liane Folly sur Europe 2. J'irai tranquille, soyez tranquille, ils seront là pour vous ce soir. Les Stones en concert sur Europe 2 pendant une heure, leur plus grand tube en version live. Rendez-vous ce soir, samedi, sur Europe 2 à 19h. Pardonnez-moi mon père, mais je viens d'être témoin d'un miracle chez Nissan. Vous êtes sûr? Jusqu'au 26 mars, Nissan propose un crédit de 6,13% sur 36 mois, sur toute la gamme. Alors c'est pas un miracle ça? Laissez-moi voir. Jusqu'au 26 mars, 6,13% sur 36 mois, TEG hors assurance, apport minimum de 20% sur l'achat d'une Nissan neuve, après acceptation par Nissan Financement. En effet, c'est un miracle. Mais vous n'auriez pas un petit péché pour changer? Ah non, désolé, c'est pas sur ma liste. Un jour ou l'autre, vous remercierez Nissan. 36,15 Nissan, 1,27 la minute. Du lave-linge à chargement frontal au lave-linge à chargement par le dessus. De 40 à 60 cm de large. Du modèle standard au modèle encastrable. Pour les lave-linges chez Darty, vous avez le choix des grandes marques. De 9 à 18 programmes. De l'essorage 400 tours minute à l'essorage 1600 tours minute. Du plus silencieux au plus écologique. Pour les lave-linges chez Darty, vous avez la garantie du service après-vente 7 jours sur 7. Du lave-linge classique au lave-linge séchant, de 1590 francs à 13 490 francs, pour les lave-linges chez Darty, vous avez la garantie des prix. Du plus petit au plus grand, du plus simple au plus perfectionné, pour les lave-linges chez Darty, vous avez la garantie d'un achat réussi. Bon, récapitulons. Bah écoute, pas, c'est pas compliqué. Au flipper, il faut collecter le maximum de bonus. Ah bah c'est comme chez Peugeot quand ils reprennent un véhicule de plus de 10 ans bénéficiant de l'aide de l'État de 5000 francs et que le réseau Peugeot ajoute 7000 francs. 12000 francs de bonus ? Ah, un beau score, hein ? Et l'extra balle dans tout ça ? L'extra balle, c'est que tu peux en profiter jusqu'au 31 mars. Bah oui, mais le tilt ? Ah bah le tilt, ce serait de ne pas en profiter. Ah bah je sais pas si tu sais jouer au flipper, mais pour acheter une Peugeot neuve, t'as tout compris, hein ? Les rencontres Peugeot du 17 au 28 mars, vous ne vous attendez pas à ce qui vous attend. Le code multipoint 79 01 12 06. Jouez sur le 3615 Europe 2. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Retrouvez des titres de films et de chansons cachées et gagnez les derniers albums de Jean-Jacques Goldman, Michel Jonas et Liane Folly, ainsi que les cassettes vidéo des Mille Fauves, des Tontons Flingueurs et des Visiteurs. Il y aura des jardins, l'amour et du pain. Et ça qu'on rit ! Mais quoi est-ce qu'il y a ? Des CD, des vidéos en cadeau sur le 3615 Europe 2, rubrique jeu. Deuxième classe, le malin, parlez-nous de la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque, Nadjudan. Tiens, tiens, et vous avez vu ça où ? Oh, ben, sur les affiches, Nadjudan. C'est le slogan des supermarchés, attaque. Votre meilleure défense, c'est l'attaque, ils disent. Et vous trouvez ça amusant ? Plutôt, ouais, puis pas cher. Les supermarchés Attaque sont à vos côtés pour vous aider à vivre mieux en dépensant moins. Votre meilleure défense, c'est l'attaque. 1924, c'était les années folles et la naissance de Madelios. 1994, Madelios fête son 70e anniversaire et vous invite à vous joindre à la fête. Du 24 mars au 2 avril, profitez des prix anniversaire sur toute la mode Madelios Madame et Madelios Monsieur. Participez au jeu concours prix anniversaire et gagnez des repas pour deux personnes chez Maxim's. Et d'autres cadeaux signés Madelios. Les prix anniversaire du 24 mars au 2 avril, c'est chez Madelios Madame et Madelios Monsieur, Galerie Les Trois Quartiers, 23 boulevard de la Madeleine, Paris. Monsieur le ministre, je trouve votre idée super, mais... comme je n'ai pas de voiture de plus de 10 ans, je ne pourrai pas m'acheter de voiture neuve. Tant mieux. J'ai trouvé mieux. Une voiture comme neuve chez Géant Occasion. Une voiture modèle 93, moins de 20 000 km, garantie un an comme les neuves et tellement moins cher. Géant Occasion, à deux pas du métro Mairie de Saint-Ouen. Comme ils disent là-bas, passe nous voir, Edouard. Géant Occasion, 49 33 60 90. Dans la vie, mon petit, il n'y a pas de secret. Regarde la centrale immobilière. 3500 petites annonces, neufs et anciens en région parisienne, classés par site, par prix, avec des photos couleurs, des conseils. La centrale immobilière est parfaite. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a de qui tenir. C'est le petit dernier de la centrale des particuliers. Nouveau, la centrale immobilière, petites annonces, neufs et anciens, 7 francs chez votre marchand de journaux. Ladies and gentlemen, California. Sur Europe 2, prenez la voie rapide pour la côte ouest américaine. USA. C'est California. Wonderful California. De Los Angeles à San Francisco, une heure d'immersion totale avec les radios FM locales. KMET, Stereo 94.7. California, le son des villes américaines, tous les samedis de 23h à minuit dans le programme Europe 2. De Parisien sur 103.5. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, ne voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, ou saigner. Un jour, j'irai là-bas, un jour, chaque un autre rat. Que la vie va en toi, tu m'emmèneras.